les signes avant-coureurs qui viennent signaler les heures de s'éviter. La moindre confidence retenue, bredouillée, revêt dans le silence un caractère suspect. Les questions anodines deviennent inquisitrices, les regards des épines couvrant de cicatrices. Les à bientôt résonnent comme des à jamais, et on se téléphone comme si on y croyait. Heureux qui ne connaît les heures de s'éviter. Les heures muettes de ne plus se parler se régalent des miettes de la complicité. Ces heures mal négociées peuvent s'avérer fatales aux restants d'amitié cloués à fond de cale. Même les plus